Mes yeux observent le temps passer, j'observe. Tes larmes tombent, la voix coupée assis à tes côtés, là pour t'écouter. Les années passent, mais je suis toujours là, et je me tracasse. J'essaie toujours d'ouvrir les yeux aux pétasses, la pétasse. La vie doit être vécue du mieux qu'on puisse. Je glisse sur la musique comme les ducks prennent des risques. Essaye de donner le meilleur de toi. Quand tu me vois, viens me voir et check-moi comme si c'était toi. Frère et sœur, le même cœur avec les mêmes peurs. Je peux voir tes rêves au fond de tes yeux. Vis tes rêves et fuck tes cauchemars. Laisse tomber tes larmes, essuie tes larmes. Et redresse-toi, crois en toi, en toi. Sur mon visage, j'ai de la sagesse en moi, tout comme toi. Laisse-toi porter stressé avec les soucis. Parfois je veux dire c'est fini. Garde un œil sur tes amis et laisse pas devenir tes ennemis. Car ici tout change vite. Si je te tourne le dos, est-ce que tu me planteras? Mais pour vivre, je vois toujours tes rêves. Ne laisse rien tomber. La confiance me glisse les mains. L'espoir en vie jusqu'à demain. Si je tombe, me tendras-tu ta main? Je vois toujours la vie passer, toujours les mêmes tombées. J'essaye d'aider, mais qui va vraiment m'écouter? D'enculé, un jour les mêmes qu'à demain. Si je tombe, me tendras-tu ta main? Je vois toujours la vie qu'à demain. Si je tombe, qu'à demain. Si je tombe, me tendras-tu ta main? Je vois toujours la vie passer, toujours les mêmes tombés. J'essaye d'aider, mais qui va vraiment m'écouter? Beaucoup d'enculés à ne pas calculer. C'est pour ça que tu dois croire en toi. Ne cherche pas plus loin. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi. Ne cherche pas plus loin. Just nobody.